Label Rock. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Label Rock en pleine période de fête. Vous écoutez ce podcast peut-être en train de réveillonner justement, ou peut-être après le réveillon avec un gros mal de tête et quelques aigreurs. Mais en tout cas, pas de soucis, je suis là pour vous soigner. On va y aller progressivement dans cette émission Label Rock, tout en douceur, histoire de faire couler tout ça. Vous écoutez Label Rock, Sébastien Agace aux commandes pour deux heures de musique pas comme les autres. We'll be right back. Je vous avais promis une entrée en douceur, histoire de se remettre de ces fêtes de Noël. Chose faite avec les mélodies de Ticho sur son album Dive. L'américain Scott Hansen qui nous emmène dans ses ascensions électronica. Normal, vous me direz, quand on tire son nom d'un cratère situé dans les montagnes lunaires du sud. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse géographie, la dernière révision de l'année 2011. Et puis, à l'instant, le producteur d'Amsterdam, tout jeune hein, producteur puisqu'il a 22 ans, il s'appelle Apolskal, un extrait de son nouveau maxi qui s'appelle El Diablo. Je vous disais, il a seulement 22 ans, mais il est rempli de talent et il est définitivement à suivre de très près en 2012, comme eux d'ailleurs, ils s'appellent Coco Lores. Funk, pop, soul. La Belle Rock. de la nouveauté et surtout de la jeunesse dans ce début de programme avec, pour commencer, un duo d'ados qui se fait appeler Coco Lores. Ils viennent de Berlin et ils viennent de sortir un premier maxi sur le label Exploited Records. Grosse influence house des années 90 pour un résultat plutôt sympa. Et puis à l'instant, le duo Composer, un duo français sur le toujours excellent label Infine. Extrait de leur premier album, un petit bijou électropop intitulé The Edge of the World, sorti il y a quelques semaines de cela. Et d'ailleurs, si le Père Noël ne vous a pas amené ce disque, franchement, je vous conseille de porter plainte auprès des lutins. Allez, on continue tranquillou dans ce programme. On va rester du côté de l'électro avec un remix d'un titre de Fergie, un anglais signé par un autre anglais, un jeune producteur qui s'appelle Reset Robot, le producteur qui réussit à prendre l'original de ce titre Mad World et à l'envoyer là-haut, tout là-haut et très très haut. C'est beau, c'est chaud. Et c'est dans la Belle Rock, bien sûr. Label Rock. Berlin encore et toujours dans ce programme. Forcément, quand on apprécie la musique électro, la ville allemande qui reste tout simplement incontournable, et ceci depuis maintenant de très nombreuses années. Robot Coach à l'instant, Lights, tiré de son deuxième album intitulé The Other Side. Si vous êtes fan d'Electronica et de post-dub, vous allez adorer ce projet. On va continuer notre voyage extra atmosphérique à bord de notre navette Label Rock, et on va rester dans les ambiances plus enfumées, direction l'Angleterre sur le label de Giles Peterson pour un petit peu de drum and bass. Un titre que j'adore, l'excellente drum and bass du jeune producteur suisse Frédéric Robinson, disponible sur la compilation Electric 2 de Brownswood Recordings. Autre titre que j'aime beaucoup, c'est sur le label Sunday Best. On repart en Angleterre avec l'artiste David E. Sugar. Got your note that you wrote the other day. It was written on paper that was stained with glue and paste, and cut out pictures that you had made, making patterns of color on a tissue paper page. Sébastien Gass. label rock avec le blues du cinéaste David Lynch, extrait de son premier album Crazy Clown Time, un album hypnotique, énigmatique et forcément mystérieux. C'est normal hein, qu'on connaît le bonhomme. Allez, on va laisser maintenant la place à une charmante dame qui s'appelle Catherine Blake. Elle est chanteuse, elle est compositrice, elle est musicienne, elle est anglaise. Peut-être vous la connaissez, il y a quelques années, elle œuvrait dans un groupe qui s'appelait Miranda Sex Garden, pas très connu, je l'avoue. Un petit peu plus connue, elle était aussi dans un groupe qui s'appelle Medieval Babes. En tout cas, elle est en solo maintenant et elle chante ce magnifique titre qui s'appelle Higher. Thank you. La douce voix de Catherine Blake sur ce titre Ailleurs. J'aime bien, vous le savez, ces voix féminines. On va rester dans les voix féminines justement, mais on va changer carrément de style. La preuve avec Florence and the Machine, c'est une reprise. Ça s'appelle Not Fade Away. La Belle Rock. Florence and the Machine avec cette reprise Not Fade Away de Buddy Holly sur un album hommage justement à Buddy Holly. L'album s'appelle Rave on Buddy Holly. Alors on retrouve pas mal de reprises hein, comme vous vous en doutez. Avec celle-ci donc de Florence and the Machine plutôt réussie, il y en a d'autres sympas signées Patti Smith, Fiona Apple et même une signée par la légende Paul McCartney. Label Rock, ça continue. Ambiance latine maintenant, un petit peu de chaleur s'il vous plaît. Un brain, no blood in my vein. I played my role like a voodoo doll. I lost control. God save my soul. Stepping up the combo, they driving me the combo, they dancing up the combo. Basque Makala pour commencer avec un extrait de son nouveau maxi 4 titres. Le maxi s'appelle Swinging the Afro Mambo. Il est disponible sur le label espagnol Love Monk. Et puis à l'instant, les Portugais de Buraca Son Sistema et le son Kuduro à l'honneur dans ce programme Label Rock. Ce titre Combat, c'est aussi le titre du nouvel album. Allez, on va garder ses envies de chaleur en cette période froide et humide de l'année. On va rester dans les pays chauds, direction le pays des kangourous, direction l'Australie. Yeah. Écoutez le son de Label Rock, vous écoutez surtout le son de Catalyst. Alors on savait que l'Australien était un véritable Manitou du son vintage, on savait qu'il était aussi particulièrement adepte de la soul music. Et bien décidément, Catalyst tout aussi capable de produire de la soul, mais aussi des pépites d'un autre style. La preuve avec cet excellent morceau de reggae Day Into Night. Vous retrouverez ce morceau sur l'album Deep Impressions avec en featuring sur ce titre-là la chanteuse soul new-yorkaise Stephanie McKay. C'est bon, c'est chaud et encore une fois de plus, c'est dans Label Rock. Them a discover enough body and still can't find out. Send the either to the sun by graveyard. Make him regret the decision he took to play hard. Cause rebel run the dance rough like a warlord. Better you fall up here and no draw no card. You're the number one sound. Petite série reggae dans la Belle Rock pour se réchauffer. Le premier disque date des années 60, il est signé par King Fatty. Vous retrouverez sur l'excellente compilation Rocksteady Dynamite, ressortie hein, grâce au label Phoenix City Records. Et puis le deuxième disque juste après, résolument plus moderne, c'est sur un album signé Wayne Lotek, un anglais d'origine jamaïcaine. L'album est sorti cet été, il me semble que c'est son second album, en tout cas il s'appelle International Rude Boy. On va rester dans ces ambiances reggae, mais un petit peu plus mentales ce coup-ci dans la Belle Rock. On y va. La Belle Rock avec Sébastien Agas. J'adore ce morceau, ou plutôt ce remix signé par Goth Tribe d'un titre datant de 1987, signé par le DJ jamaïcain Pampidou. Ça vient de sortir et on peut dire un grand merci au label Greensleeves pour ce remix bien mental, comme on aime, qui gratte bien les oreilles comme il faut. Tiens, puisqu'on parle de bien gratter les oreilles, il y a un champion du monde, c'est le Brésilien Amon Tobin. Lui, en général, ça gratouille franchement, franchement bien. La preuve, encore avec ce nouveau titre qui s'appelle Surge, remixé ici dans la Label Rock par Two Fingers. Amon Tobin dans Label Rock, un artiste pas toujours facile d'accès, mais toujours aussi jouissif et toujours aussi passionnant. À ne pas mettre évidemment entre toutes les oreilles. Par contre, si vous êtes fan de l'artiste, je vous conseille amplement son nouvel album qui est sorti et qui s'appelle Isam. Autre album que je vous recommande, c'est le 29e album du groupe The Fall. Label Rock, le son rock. Studying in spring, in caustic,

Mask Search, un extrait du dernier album du groupe The Fall, Ersatz JB. Je vous le disais, c'est le 29e album avec un Marquis Smith toujours en top forme. Et puis à l'instant, les Danois de Power Solo, nouvel album qui s'appelle Buzz Human. Et franchement, là aussi, c'est que du kiff. Et en général, quand c'est bon, moi j'ai envie d'en remettre une petite couche. I love you, but I hate you. I love you, but I hate you. I love you, but I hate you. I love you, but I hate you. I love you, but I hate you. I wanna be alone. I love you, but I hate you. I wanna be on my own. Your tongue so you can't talk. I love you but I hate you. I love you but I hate you. I love you but I hate you. I wanna be alone. I love you but I hate you. I wanna be on my own. I will shut my mouth so you can hear me, and I will close my eyes so I can see you. Now we'll burn. You can feel me. And I will cut your tongue so you can talk. Funk, pop, soul. Label Rock. Label Rock. Et le pouvoir du solo, c'est-à-dire la puissance unique de la musique créée par la puissance unique de l'électricité, déversant son bruit terrible sur le monde et directement dans vos oreilles. La puissance de Label Rock. Label Rock est immense et régnera sur votre chaîne stéréo comme un roi sans pitié jusqu'à ce que vous soumettiez finalement à son pouvoir et deveniez un véritable disciple du solo. Car nous savons tous que Label Rock, c'est parfois se montrer généreux, surtout envers les belles femmes avec un problème d'alcoolisme. Label Rock, apportera la joie dans votre foyer et multipliera vos bifetons par deux. Label Rock, est le fétiche porte-bonheur du bruit maximum et du Larsen, sur lequel vous battrez la mesure avec vos pieds et vos tentacules. Ne passez pas à côté de votre chance, vous serez gagnant à chaque fois. Merci de votre attention. Le rock des Danois, Power Solo pour commencer, puis à l'instant, c'est groovy, c'est funky, c'est parfait pour les pistes de danse. C'est un énorme titre house signé par Maurice Uzan. Le morceau s'appelle Cordy et c'est disponible sur un maxi 4 titres. Allez, dans la belle rock, du funk encore et toujours avec maintenant un artiste qui s'appelle Chick Wickham. Maxi pour Chip Wickham dans Label Rock, le jeune anglais qui réside en Espagne, à Madrid, et qui enregistre pour le compte de plusieurs labels, dont le label anglais Freestyle Records, mais aussi Rip Curl au Japon et surtout Love Monk en Espagne. Je vous disais donc Hit and Run, c'est sur un excellent nouveau maxi 4 titres. Franchement, essayez de trouver ça chez votre disquaire ou sur l'internet, vous allez adorer. Allez, on va bientôt se quitter. C'est bientôt la fin de cette émission, c'est même allez, on peut dire que c'est la fin de cette émission, mais on va se laisser quand même avec une petite sucrerie, histoire de terminer l'année 2011 de la meilleure façon possible. On va terminer cette année en douceur, comme on l'a commencé dans ce programme, avec peut-être mon album préféré de l'année 2011. Les artistes s'appellent Hidden Orchestra. Je vais vous laisser, donc, je vous le disais, avec une petite pépite qui s'appelle Dust et une ambiance jazz pour terminer ce podcast, dernier podcast de l'année 2011. Je vous souhaite donc d'excellentes fêtes de fin d'année. Terminez bien l'année 2011 et surtout commencez bien 2012 en fanfare. N'oubliez pas, comme d'habitude, soyez sages, mais pas trop. Quant à moi, Sébastien Agas, je vous dis ciao, ciao, à très bientôt en 2012 pour d'autres aventures musicales dans votre podcast Label Rock. Ciao, ciao. Goodbye. Label Rock, deux heures de son pas comme les autres.